Mémoire d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand. Enregistré par Christiane Jehan. Deuxième partie. Livre quatrième. Note. Ce livre a été composé à Paris en 1839. Il a été revu en décembre 1846. Fin de note. Année de ma vie 1804. Je viens demeurer rue Miroménil. Verneuil. Alexis de Tocqueville. Le Ménil, Mézy, Méréville, Madame de Coislin, voyage à Vichy, en Auvergne et au Mont-Blanc, retour à Lyon, course à la Grande Chartreuse, mort de Madame de Caux, année de ma vie 1805 et 1806. Je reviens à Paris. Je pars pour le Levant. Je m'embarque à Constantinople sur un bâtiment qui portait des pèlerins pour la Syrie. De Tunis jusqu'à ma rentrée en France par l'Espagne. Réflexion sur mon voyage. Mort de Julien. Désormais, à l'écart de la vie active, et néanmoins sauvé par la protection de Madame Biaciocchi de la colère de Bonaparte, je quittai mon logement provisoire rue de Beaune et j'allais demeurer rue de Miroménil. Le petit hôtel que je louais fut occupé depuis par M. de Lally-Tolindal et Mme Denain, sa mieux aimée, comme on disait du temps de Diane de Poitiers. Mon jardinet aboutissait à un chantier et j'avais auprès de ma fenêtre un grand peuplier que M. Lally-Tolindal, afin de respirer un air moins humide, abattit lui-même de sa grosse main qu'il voyait transparente et décharnée. C'était une illusion comme une autre. Le pavé de la rue se terminait alors devant ma porte. Plus haut, la rue ou le chemin montait à travers un terrain vague que l'on appelait la butte aux lapins. La butte aux lapins, semée de quelques maisons isolées, joignait à droite le jardin de Tivoli, d'où j'étais parti avec mon frère pour l'émigration, à gauche le parc de Monceau. Je me promenais assez souvent dans ce parc abandonné. La Révolution y commença parmi les orgies du duc d'Orléans. Cette retraite avait été embellie de nudités de marbre et de ruines factices, symbole de la politique légère et débauchée qui allait couvrir la France de prostituées et de débris. Je ne m'occupais de rien, tout au plus m'entretenais-je dans le parc avec quelques sapins ou causais-je du duc d'Enghien avec trois corbeaux au bord d'une rivière artificielle cachée sous un tapis de mousse verte. Privé de ma légation alpestre et de mes amitiés de Rome, de même que j'avais été tout à coup séparé de mes attachements de Londres, je ne savais que faire de mon imagination et de mes sentiments. Je les mettais tous les soirs à la suite du soleil, et ses rayons ne les pouvaient emporter sur les mers. Je rentrais, et j'essayais de m'endormir au bruit de mon peuplier. Pourtant, ma démission avait accru ma renommée. Un peu de courage s'y est toujours bien en France. Quelques-unes des personnes de l'ancienne société de Madame de Beaumont m'introduisirent dans de nouveaux châteaux. Monsieur de Tocqueville, beau-frère de mon frère et tuteur de mes deux neveux orphelins, habitait le château de Madame de Sénozan. C'était partout des héritages d'échafauds. Là, je voyais croître mes neveux avec leurs trois cousins de Tocqueville, entre lesquels s'élevait Alexis, auteur de la Démocratie en Amérique. Il était plus gâté à Verneuil que je ne l'avais été à Combourg. Est-ce la dernière renommée que j'aurais vue ignorée dans ces langes ? Alexis de Tocqueville a parcouru l'Amérique civilisée dont j'avais parcouru les forêts. Verneuil a changé de maître. Il est devenu possession de Madame de Saint-Fargeau, célèbre par son père et par la Révolution qu'il adopta pour fille. Près de Mantes, au Ménil, était Madame de Rosambeau. Mon neveu, Louis de Chateaubriand, s'y maria dans la suite à Mademoiselle d'Orglande, nièce de Madame de Rosambeau. Celle-ci ne promène plus sa beauté autour de l'étang et sous les hêtres du manoir. Elle a passé. Quand j'allais de Verneuil au Ménil, je rencontrais Mézy sur la route. Madame de Mézy était le roman renfermé dans la vertu et la douleur maternelle. Du moins si son enfant, qui tomba d'une fenêtre et se brisa la tête, avait pu, comme les jeunes cailles que nous chassions, s'envoler par-dessus le château et se réfugier dans l'île belle, île riante de la Seine, Cotournix per stipulas pascens. De l'autre côté de cette Seine, non loin du Marais, Madame de Vintimille m'avait présenté à Méréville. Méréville était une oasis créée par le sourire d'une muse, mais d'une de ces muses que les poètes gaulois appellent les doctes fées. Ici, les aventures de Blanca et de Véléda furent lues devant d'élégantes générations, lesquelles, s'échappant les unes des autres comme des fleurs, écoutent aujourd'hui les plaintes de mes années. Peu à peu, mon intelligence fatiguée de repos dans ma rue de Miroménil vit se former de lointains fantômes. Le génie du christianisme m'inspira l'idée de faire la preuve de cet ouvrage, en mêlant des personnages chrétiens à des personnages mythologiques. Une ombre, que longtemps après j'appelais Simodossé, se dessina vaguement dans ma tête, aucun trait n'en était arrêté. Une fois Simodossé devinée, je m'enfermais avec elle, comme cela m'arrive toujours avec les filles de mon imagination, mais, avant qu'elle soit sortie de l'état de rêve et qu'elle soit arrivée des bords du Léthé par la porte d'ivoire, elle change souvent de forme. Si je l'ai créée par amour, je l'ai défaite par amour. Et l'objet unique et chéri que je présente ensuite à la lumière est le produit de 1000 infidélités. Je ne demeurai qu'un an dans la rue de Miroménil, car la maison fut vendue. Je m'arrangeai avec madame la marquise de Coislin, qui me loua l'attique de son hôtel, place Louis XV. Madame de Coislin était une femme du plus grand air. Âgée de près de 80 ans, ses yeux fiers et dominateurs avaient une expression d'esprit et d'ironie. Madame de Coislin n'avait aucune lettre et s'en faisait gloire. Elle avait passé à travers le siècle voltairien sans s'en douter. Si elle en avait conçu une idée quelconque, c'était comme d'un temps de bourgeois disert. Ce n'est pas qu'elle parlât jamais de sa naissance, elle était trop supérieure pour tomber dans un ridicule. Elle savait très bien voir les petites gens sans déroger. Mais enfin, elle était née du premier marquis de France. Si elle venait de Drogon de Nesle, tué dans la Palestine en 1096, de Raoul de Nesle, connétable et armé chevalier par Louis IX, de Jean II de Nesle, régent de France pendant la dernière croisade de Saint-Louis, madame de Coislin avouait que c'était une bêtise du sort dont on ne devait pas la rendre responsable. Elle était naturellement de la cour, comme d'autres plus heureux sont de la rue, comme on est cavale de race ou haridelle de fiacre. Elle ne pouvait rien à cet accident, et force lui était de supporter le mal dont il avait plu au ciel de l'affliger. Madame de Coislin avait-elle eu des liaisons avec Louis XV? Elle ne me l'a jamais avoué. Elle convenait pourtant qu'elle avait été fort aimée, mais elle prétendait avoir traité le royal amant avec la dernière rigueur. « Je l'ai vu à mes pieds, me disait-elle, il avait des yeux charmants, et son langage était séducteur. Il me proposa un jour de me donner une toilette de porcelaine comme celle que possédait Madame de Pompadour. « Ah, sire, m'écriai-je, ce serait donc pour me cacher dessous. » Par un singulier hasard, j'ai retrouvé cette toilette chez la marquise de Conyngham, à Londres. Elle l'avait reçue de George IV et me la montrait avec une amusante simplicité. Madame de Coislin habitait dans son hôtel une chambre s'ouvrant sous la colonnade, qui correspond à la colonnade du garde-meuble. Deux marines de Vernet, que Louis le bien-aimé avait données à la noble dame, étaient accrochées sur une vieille tapisserie de satin verdâtre. Madame de Coislin restait couchée jusqu'à 2 heures après-midi, dans un grand lit à rideaux, également de soie verte, assise et soutenue par des oreillers, une espèce de coiffe de nuit mal attachée sur sa tête, laissait passer ses cheveux gris. Des girandoles de diamants, montées à l'ancienne façon, descendaient sur les épaulettes de son manteau de lit semé de tabac, comme autant des élégantes de la fronde. Autour d'elle, sur la couverture, gisaient éparpillées des adresses de lettres, détachées des lettres mêmes, et sur lesquelles adresses Madame de Coislin écrivait en tous sens ses pensées. Elle n'achetait point de papier, c'était la poste qui le lui fournissait. De temps en temps, une petite chienne appelée Lily mettait le nez hors de ses draps et venait m'aboyer pendant 5 ou 6 minutes et rentrait en grognant dans le chenil de sa maîtresse. Ainsi le temps avait arrangé les jeunes amours de Louis XV. Madame de Châteauroux et ses 2 sœurs étaient cousines de Madame de Coislin. Celle-ci n'aurait pas été d'humeur ainsi que Madame de Mailly, repentante et chrétienne, à répondre à un homme qui l'insultait dans l'église Saint-Roch par un nom grossier « Mon ami, puisque vous me connaissez, priez Dieu pour moi ». Madame de Coislin, avare de même que beaucoup de gens d'esprit, entassait son argent dans des armoires. Elle vivait toute rongée d'une vermine d'écu qui s'attachait à sa peau. Ces gens la soulageaient. Quand je la trouvais plongée dans d'inextricables chiffres, elle me rappelait l'avare Hermocrate, qui, dictant son testament, s'était institué son héritier. Elle donnait cependant à dîner par hasard, mais elle déblatérait contre le café que personne n'aimait, suivant elle, et dont on n'usait que pour allonger le repas. Madame de Chateaubriand fit un voyage à Vichy avec Madame de Coislin et le marquis de Nesle. Note. En quittant Méréville, M. de Chateaubriand fut passé quelque temps à Champlâtreux, et moi, par complaisance, je partis avec Mme de Coislin pour les eaux de Vichy. Cette bonne dame était très aimable, mais très difficile à vivre. Son avarice surtout était insupportable. Pendant le voyage, elle me faisait une guerre à mort sur ce que je mangeais, bien que ce ne fût pas assez dépens. Elle prétendait que c'était la plus sotte manière de dépenser son argent. Aussi dans les auberges se contentait-elle d'une livre de cerises qu'on lui faisait payer à raison de ce que ses domestiques avaient mangé, et ils se faisaient servir comme des princes. Ils en étaient quittes pour une verte réprimande qu'ils préféraient à la disette. Pendant la route, la conversation roulait en général sur la dépense de l'auberge que nous venions de quitter ou sur la toilette de Mademoiselle Lambert, sa femme de chambre. La pauvre fille était cependant fort mincement vêtue, mais elle était propre et changeait de linge, ce qui n'avait pas le sens commun. Madame de Coislin n'en changeait jamais. Elle prétendait que c'était comme cela de son temps et qu'on possédait à peine deux chemises. Du reste, elle avait assez d'esprit pour rire la première de son avarice. Elle convenait que, ne donnant pas ce qui était nécessaire à ces gens, ils étaient obligés de le prendre. « Mais que voulez-vous, mon cœur ? » me disait-elle. « J'aime mieux qu'on me prenne que de donner. » Je sais qu'au bout du mois, c'est toujours la maîtresse qui paye. Tout cela est fort triste. Souvenir de Madame de Chateaubriand. Fin de note. Le marquis courait en avant et faisait préparer d'excellents dîners. Madame de Coislin venait à la suite et ne demandait qu'une demi-livre de cerises. Au départ, on lui présentait d'énormes mémoires, alors c'était un train affreux. Elle ne voulait entendre qu'aux cerises. L'hôte lui soutenait que, soit que l'on mangeât ou que l'on ne mangeât pas, l'usage dans une auberge était de payer le dîner. Madame de Coislin s'est fait un illuminisme à sa guise. Crédule ou incrédule, le manque de foi la portait à se moquer des croyances dont la superstition lui faisait peur. Elle avait rencontré Madame de Krumner. La mystérieuse Française n'était illuminée que sous bénéfice d'inventaire. Elle ne plut pas à la fervente russe, laquelle ne lui agréa pas non plus. Madame de Krutner dit passionnément à Madame de Coislin, « Madame, quel est votre confesseur intérieur ?»« Madame, répliqua Madame de Coislin, je ne connais point mon confesseur intérieur. Je sais seulement que mon confesseur est dans l'intérieur de son confessionnal. » Sur ce, les deux dames ne se virent plus. Madame de Coislin se vantait d'avoir introduit une nouveauté à la cour, la mode des chignons flottants, malgré la reine Marie Lesenska, fort pieuse, qui s'opposait à cette dangereuse innovation. Elle soutenait qu'autrefois, une personne comme il faut ne se serait jamais avisée de payer son médecin. Se récriant contre l'abondance du linge de femme, « Cela s'en l'a parvenu, disait-elle. Nous autres, femmes de la cour, nous n'avions que deux chemises. On les renouvelait quand elles étaient usées. Nous étions vêtues de robes de soie et nous n'avions pas l'air de grisettes, comme ces demoiselles de maintenant. » Madame Suard, qui demeurait rue Royale, avait un coq dont le chant, traversant l'intérieur des cours, importunait Madame de Coislin. Elle écrivit à Madame Suard, « Madame, faites couper le cou à votre coq. » Madame Suard renvoya le messager avec ce billet, « Madame, j'ai l'honneur de vous répondre que je ne ferai pas couper le cou à mon coq. » La correspondance en demeura là. Madame de Coislin dit à Madame de Chateaubriand, « Ah, mon cœur, dans quel temps nous vivons? C'est pourtant cette fille de Pankouk, la femme de ce membre de l'Académie, vous savez? » Monsieur Hénin, ancien commis des affaires étrangères et ennuyeux comme un protocole, barbouillait de gros romans. Il lisait un jour à Madame de Coislin une description. Une amante en larmes et abandonnée pêchait mélancoliquement un saumon. Madame de Coislin, qui s'impatientait et n'aimait pas le saumon, interrompit l'auteur et lui dit de cet air sérieux qui la rendait si comique, « Monsieur Hénin, ne pourriez-vous faire prendre un autre poisson à cette dame ?» Les histoires que faisait Madame de Coislin ne pouvaient se retenir car il n'y avait rien dedans. Tout était dans la pantomime, l'accent et l'air de la conteuse. Jamais elle ne riait. Il y avait un dialogue entre Monsieur et Madame Jacqueminot dont la perfection passait tout. Lorsque, dans la conversation entre les deux époux, Madame Jacqueminot répliquait « Mais Monsieur Jacqueminot !» ce nom était prononcé d'un tel ton qu'un fou rire vous saisissait. Obligée de le laisser passer, Madame de Coislin attendait gravement en prenant du tabac. Lisant dans un journal la mort de plusieurs rois, elle ôta ses lunettes et dit en se mouchant « Il y a une épisodie sur les bêtes à couronne. » Au moment où elle était prête à passer, on soutenait au bord de son lit qu'on ne succombait que parce qu'on se laissait aller, que si l'on était bien attentif et qu'on ne perdit jamais de vue l'ennemi, on ne mourrait point. « Je le crois, » dit-elle, « mais j'ai peur d'avoir une distraction. » Elle expira. Je descendis le lendemain chez elle. Je trouvai monsieur et madame Davaret, sa sœur et son beau-frère, assis devant la cheminée, une petite table entre eux, et comptant les louis d'un sac qu'ils avaient tiré d'une boiserie creuse. La pauvre morte était là, dans son lit, les rideaux à demi fermés. Elle n'entendait plus le bruit de l'or qui aurait dû la réveiller et que comptaient des mains fraternelles. Dans les pensées écrites par la défunte sur des marges d'imprimés et sur des adresses de lettres, il y en avait d'extrêmement belles. Madame de Coislin m'a montré ce qui restait de la cour de Louis XV sous Bonaparte et après Louis XVI, comme Madame d'Houdetot m'avait fait voir ce qui traînait encore au XIXe siècle de la société philosophique. Dans l'été de l'année 1805, j'allais rejoindre Madame de Chateaubriand à Vichy, où Madame de Coislin l'avait menée, comme je viens de le dire. Je n'y trouvais point Jussac, terme flammarance, que Madame de Sévigné avait devant et après elle en 1677. Depuis 120 et quelques années, il dormait. Je laissais à Paris ma sœur, Madame de Caux, qui s'y était établie depuis l'automne de 1804. Après un court séjour à Vichy, Madame de Chateaubriand me proposa de voyager afin de nous éloigner pendant quelque temps des tracasseries politiques. On a recueilli dans mes œuvres deux petits voyages que je fis alors en Auvergne et au Mont-Blanc. Après 34 ans d'absence, des hommes, étrangers à ma personne, viennent de me faire à Clermont la réception qu'on fait à un vieil ami. Celui qui s'est longtemps occupé des principes dont la race humaine jouit en communauté a des amis, des frères et des sœurs dans toutes les familles, car si l'homme est ingrat, l'humanité est reconnaissante. Pour ceux qui se sont liés avec vous par une bienveillante renommée et qui ne vous ont jamais vu, vous êtes toujours le même. Vous avez toujours l'âge qu'ils vous ont donné. Leur attachement, qui n'est point dérangé par votre présence, vous voit toujours jeune et beau comme les sentiments qu'ils aiment dans vos écrits. Lorsque j'étais enfant dans ma Bretagne et que j'entendais parler de l'Auvergne, je me figurais que celle-ci était un pays bien loin, où l'on voyait des choses étranges, où l'on ne pouvait aller qu'avec grand péril, en cheminant sous la garde de la Sainte Vierge. Je ne rencontre point, sans une sorte de curiosité attendrie, ces petits Auvergnats qui vont chercher fortune dans ce grand monde, avec un petit coffret de sapin. Ils n'ont guère que l'espérance dans leur boîte, en descendant de leur rocher, heureux s'ils la rapportent. Hélas, il n'y avait pas 2 ans que Madame de Beaumont reposait au bord du Tibre, lorsque je foulais sa terre natale en 1805. Je n'étais qu'à quelques lieues de ce mont d'or, où elle était venue chercher la vie qu'elle allongea un peu pour atteindre Rome. L'été dernier, en 1838, j'ai parcouru de nouveau cette même Auvergne. Entre ces dates, 1805 et 1838, je puis placer les transformations arrivées dans la société autour de moi. Nous quittâmes Clermont, et en nous rendant à Lyon, nous traversâmes Thiers et Roanne. Cette route, alors peu fréquentée, suivait çà et là les rives du Lignon. L'auteur de l'Astrée, qui n'est pas un grand esprit, a pourtant inventé des lieux et des personnages qui vivent. Tant la fiction, quand elle est appropriée à l'âge où elle paraît, a de puissance créatrice. Il y a du reste quelque chose d'ingénieusement fantastique dans cette résurrection des nymphes et des naïades qui se mêlent à des bergers, des dames et des chevaliers. Ces mondes divers s'associent bien, et l'on s'accommode agréablement des fables de la mythologie, unies aux mensonges du roman. Rousseau a raconté comment il fut trompé par Durfé. À Lyon, nous retrouvâmes M. Ballanche. Il fit avec nous la course à Genève et au Mont-Blanc. Il allait partout où on le menait, sans qu'il y eût la moindre affaire. À Genève, je ne fus point reçu à la porte de la ville par Clotilde, fiancée de Clovis. M. de Barante, le père, était devenu préfet du Léman. J'allais voir à Copé Madame de Stael, je la trouvais seule au fond de son château qui renfermait une cour attristée. Je lui parlais de sa fortune et de sa solitude comme d'un moyen précieux d'indépendance et de bonheur. Je la blessais. Madame de Stael aimait le monde. Elle se regardait comme la plus malheureuse des femmes dans un exil dont j'aurais été ravie. Qu'était-ce à mes yeux que cette infélicité de vivre dans ces terres avec les conforts de la vie? Qu'était-ce que ce malheur d'avoir de la gloire, des loisirs, de la paix, dans une riche retraite à la vue des Alpes, en comparaison de ces milliers de victimes sans pain, sans nom, sans secours, bannies dans tous les coins de l'Europe, tandis que leurs parents avaient péri sur l'échafaud? Il est fâcheux d'être atteint d'un mal dont la foule n'a pas l'intelligence. Au reste, ce mal n'en est que plus vif. On ne l'affaiblit point en le confrontant avec d'autres maux. On n'est pas juge de la peine d'autrui. Ce qui afflige l'un fait la joie de l'autre. Les cœurs ont des secrets divers, incompréhensibles à d'autres cœurs. Ne disputons à personne ces souffrances. Il en est des douleurs comme des patries, chacun à la sienne. Madame de Staël visita le lendemain Madame de Chateaubriand à Genève et nous partîmes pour Chamounix. Mon opinion sur les paysages des montagnes fit dire que je cherchais à me singulariser. Il n'en était rien. On verra, quand je parlerai du Saint-Gothard, que cette opinion m'est restée. On lit dans le Voyage au Mont-Blanc un passage que je rappellerai comme liant ensemble les événements passés de ma vie et les événements alors futurs de cette même vie, et aujourd'hui également passés. Il n'y a qu'une seule circonstance où il soit vrai que les montagnes inspirent l'oubli des troubles de la terre. C'est lorsqu'on se retire loin du monde pour se consacrer à la religion. Un anachorète qui se dévoue au service de l'humanité, un saint qui veut méditer les grandeurs de Dieu en silence, peuvent trouver la paix et la joie sur des roches désertes. Mais ce n'est point alors la tranquillité des lieux qui passe dans l'âme de ces solitaires. C'est au contraire leur âme qui répand sa sérénité dans la région des orages. Il y a des montagnes que je visiterai encore avec un plaisir extrême. Ce sont celles de la Grèce et de la Judée. J'aimerais à parcourir les lieux dont mes nouvelles études me forcent de m'occuper chaque jour. J'irai volontiers chercher sur le Tabor et le Tégète d'autres couleurs et d'autres harmonies après avoir peint les monts sans renommée et les vallées inconnues du Nouveau Monde. Cette dernière phrase annonçait le voyage que j'exécutais en effet l'année suivante, 1806. À notre retour à Genève, sans avoir pu revoir Madame de Staël à Copé, nous trouvâmes les auberges encombrées. Note. Je ne sais ce qui nous empêcha d'accomplir la promesse que nous avions faite à Madame de Staël d'aller à leur retour de Chamonix passer quelques jours à Copé. Elle en fut très mécontente, et d'autant plus qu'ayant compté sur notre visite, elle écrivit d'avance à Paris les conversations présumées qu'elle avait eues avec M. de Chateaubriand, et dans lesquelles elle l'avait, disait-elle, converti à ses opinions politiques. On sut que nous n'avions point été à Copé, et que la noble châtelaine avait fait seulement un roman de plus. Souvenir de Madame de Chateaubriand. Fin de note. Sans les soins de M. de Forbin, qui survint et nous procura un mauvais dîner dans une antichambre noire, nous aurions quitté la patrie de Rousseau sans manger. M. de Forbin était alors dans la béatitude. Il promenait dans ses regards le bonheur intérieur qui l'inondait, il ne touchait pas terre. Porté par ses talents et ses félicités, il descendait de la montagne comme du ciel, veste de peintre, en juste au corps, palette aux pouces, pinceaux en carquois. Bonhomme néanmoins, quoique excessivement heureux, se préparant à m'imiter un jour, quand j'aurai fait le voyage de Syrie, voulant même aller jusqu'à Calcutta pour faire revenir les amours par une route extraordinaire lorsqu'ils manqueraient dans les sentiers battus. Ses yeux avaient une protectrice pitié. J'étais pauvre, humble, peu sûr de ma personne, et je ne tenais pas dans mes mains puissantes le cœur des princesses. À Rome, j'ai eu le bonheur de rendre à M. de Forbin son dîner du lac. J'avais le mérite d'être devenu ambassadeur. Dans ce temps-ci, on retrouve roi le soir, le pauvre diable qu'on a quitté le matin dans la rue. Le noble gentilhomme, peintre par le droit de la Révolution, commençait cette génération d'artistes qui s'arrangent eux-mêmes en croquis, en grotesques, en caricatures. Les uns portent des moustaches effroyables, on dirait qu'ils vont conquérir le monde. Leurs brosses sont des hallebardes, leurs grattoirs des sabres. Les autres ont d'énormes barbes, des cheveux pendants ou bouffis. Ils fument un cigare en guise de volcan. Ces cousins de l'arc-en-ciel, comme parle notre vieux Régnier, ont la tête remplie de déluges, de mers, de fleuves, de forêts, de cataractes, de tempêtes ou de carnages, de supplices et d'échafauds. Chez eux sont des crânes humains, des fleurets, des mandolines, des morions et des dolimans. Hableurs, entreprenants, impolis, libéraux, jusqu'au portrait du tyran qu'ils peignent, ils visent à former une espèce à part entre le singe et le satyre. Ils tiennent à faire comprendre que le secret de l'atelier a ses dangers et qu'il n'y a pas sûreté pour les modèles. Mais combien ne rachètent-ils pas ces travers par une existence exaltée, une nature souffrante et sensible, une abnégation entière d'eux-mêmes, un dévouement sans calcul aux misères des autres, une manière de sentir délicate, supérieure, idéalisée, une indigence fièrement accueillie et noblement supportée, enfin quelquefois par des talents immortels, fils du travail, de la passion, du génie et de la solitude. Sortis de nuit de Genève pour retourner à Lyon, nous fûmes arrêtés au pied du fort de l'Écluse en attendant l'ouverture des portes. Pendant cette station des sorcières de Macbeth sur la Bruyère, il se passait en moi des choses étranges. Mes années expirées ressuscitaient et m'environnaient comme une bande de fantômes. Mes saisons brûlantes me revenaient dans leur flamme et leur tristesse. Ma vie, creusée par la mort de Madame de Beaumont, était demeurée vide. Des formes aériennes, houries ou songes, sortant de cet abîme, me prenaient par la main et me ramenaient au temps de la sylphide. Je n'étais plus au lieu que j'habitais, je rêvais d'autres bords, quelque influence secrète me poussait aux régions de l'aurore, où m'entraînait d'ailleurs le plan de mon nouveau travail et la voix religieuse qui me releva du vœu de la villageoise, ma nourrice. Comme toutes mes facultés s'étaient accrues, comme je n'avais jamais abusé de la vie, elle surabondait de la sève de mon intelligence, et là, triomphant dans ma nature, ajoutait aux inspirations du poète. J'avais ce que les pères de la Thébaïde appelaient des ascensions de cœur. Raphaël, qu'on pardonne au blasphème de la similitude, Raphaël, devant la transfiguration, seulement ébauchée sur le chevalet, n'aurait pas été plus électrisé par son chef-d'œuvre que je ne l'étais par cet œuf d'or et cette cymodocée dont je ne savais pas encore le nom et dont j'entrevoyais l'image au travers d'une atmosphère d'amour et de gloire. Ainsi, le génie natif qui m'a tourmenté au berceau retourne quelquefois sur ses pas après m'avoir abandonné. Ainsi se renouvellent mes anciennes souffrances. Rien ne guérit en moi. Si mes blessures se ferment instantanément, elles se rouvrent tout à coup comme celles des crucifix du Moyen-Âge qui saignent à l'anniversaire de la Passion. Je n'ai d'autre ressource pour me soulager dans ces crises que de donner un libre cours à la fièvre de ma pensée, de même qu'on se fait percer les veines quand le sang afflue au cœur ou monte à la tête. Mais de quoi parlais-je ? Ô religion, où sont donc tes puissances, tes freins, tes baumes ? Est-ce que je n'écris pas toutes ces choses à d'innombrables années de l'heure où je donnais le jour à René ? J'avais mille raisons pour me croire mort, et je vis. Ces grands pitiés, ces afflictions du poète isolé, condamné à subir le printemps malgré Saturne, sont inconnues de l'homme qui ne sort point des lois communes. Pour lui, les années sont toujours jeunes. Or, les jeunes chevreaux, dit Oppien, veillent sur l'auteur de leur naissance. Lorsque celui-ci vient à tomber dans les filets du chasseur, ils lui présentent avec la bouche l'herbe tendre et fleurie qu'ils sont allés cueillir au loin et lui apportent sur le bord des lèvres une eau fraîche puisée dans le prochain ruisseau. De retour à Lyon, j'y trouvai des lettres de M. Joubert. Elles m'annonçaient son impossibilité d'être à Villeneuve avant le mois de septembre. Je lui répondis « Votre départ de Paris est trop éloigné et me gêne. Vous sentez que ma femme ne voudra jamais arriver avant vous à Villeneuve. C'est aussi une tête que celle-là, et depuis qu'elle est avec moi, je me trouve à la tête de deux têtes très difficiles à gouverner. Nous resterons à Lyon, où l'on nous fait si prodigieusement manger que j'ai à peine le courage de sortir de cette excellente ville. L'abbé de Bonnevie est ici, de retour de Rome. Il se porte à merveille. Il est gai, il préchaille et ne pense plus à ses malheurs. Il vous embrasse et va vous écrire. Enfin, tout le monde est dans la joie, excepté moi. Il n'y a que vous qui grognez. Dites à Fontane que j'ai dîné chez M. Saget. » Ce M. Saget était la providence des chanoines. Il demeurait sur le coteau de Sainte-Foy, dans la région du Bon Vin. On montait chez lui à peu près par l'endroit où Rousseau avait passé la nuit au bord de la Saône. « Je me souviens, dit-il, d'avoir passé une nuit délicieuse, hors de la ville, dans un chemin qui côtoyait la Saône. » Des jardins élevés en terrasse bordaient le chemin du côté opposé. Il avait fait très chaud ce jour-là. La soirée était charmante, la rosée humectait l'herbe flétrie. Point de vent, une nuit tranquille, l'air était frais sans être froid. Le soleil, après son coucher, avait laissé dans le ciel des vapeurs rouges dont la réflexion rendait l'eau couleur de rose. Les arbres des terrasses étaient chargés de rossignols qui se répondaient de l'un à l'autre. Je me promenais dans une sorte d'extase, livrant mes sens et mon cœur à la jouissance de tout cela et soupirant seulement un peu du regret d'en jouir seul. Absorbé dans ma douce rêverie, je prolongeais fort avant dans la nuit ma promenade sans m'apercevoir que j'étais là. Je m'en aperçus enfin. Je me couchais voluptueusement sur la tablette d'une espèce de niche ou de fausse porte enfoncée dans un mur de terrasse. Le ciel de mon lit était formé par les têtes des arbres. Un rossignol était précisément au-dessus de moi. Je m'endormis à son chant. Mon sommeil fut doux. Mon réveil le fut davantage. Il était grand jour. Mes yeux, en s'ouvrant, virent l'eau, la verdure, un paysage admirable. Le charmant itinéraire de Rousseau à la main, on arrivait chez M. Saget. Cet antique et maigre garçon, jadis marié, portait une casquette verte, un habit de camelot gris, un pantalon de nankin, des bas bleus et des souliers de castor. Il avait vécu beaucoup à Paris et s'était lié avec Mademoiselle de Vienne. Elle lui écrivait des lettres fort spirituelles, le gourmandait et lui donnait de très bons conseils. Il n'en tenait compte, car il ne prenait pas le monde au sérieux, croyant apparemment, comme les Mexicains, que le monde avait déjà usé 4 soleils, et qu'au 4e, lequel nous éclaire aujourd'hui, les hommes avaient été changés en magots. Il n'avait cure du martyre de saint Potin et de saint Irénée, ni du massacre des protestants, rangés côte à côte par ordre de Mandelot, gouverneur de Lyon, ayant tous la gorge coupée du même côté. Vis-à-vis le chant des fusillades des Brotteaux, il m'en racontait les détails, tandis qu'il se promenait, parmi ses ceps, mêlant son récit de quelques vers de Loïs Labbé. Il n'aurait pas perdu un coup de dent durant les derniers malheurs de Lyon, sous la charte vérité. Certains jours, à Sainte-Foy, on étalait une certaine tête de veau marinée pendant 5 nuits, cuite dans du vin de Madère et rembourrée de choses exquises. De jeunes paysannes très jolies servaient à table. Elle versait l'excellent vin du cru renfermé dans des damejeannes de la grandeur de 3 bouteilles. Nous nous abattions, moi et le chapitre, en soutane, sur le festin Saget. Le coteau en était tout noir. Notre dapifère trouva vite la fin de ses provisions. Dans la ruine de ses derniers moments, il fut recueilli par 2 ou 3 des vieilles maîtresses qui avaient pillé sa vie. « Espèce de femme, dit saint Cyprien, qui vive comme si elle pouvait être aimée. » Quae sic vivis ut possis ad amari.